Au blanc des caravelles sur un océan bleu, aux glaciers éternels avant la terre de feu, au sourire d'un enfant qui te parle en silence, à tous ces drapeaux blancs quand les soldats s'avancent, à toutes ces mélodies qui te cognent dans la tête, à tous ces paradis où tu viendras peut-être. Aux luis artificielles quand elles brillent dans tes yeux, aux souvenirs infidèles d'un impossible adieu, aux sirènes des bateaux qui te rappellent un homme, à ses doigts sur ta peau quand tu n'attends personne, à toutes ces punitions que tu as dans la tête, à toutes ces émotions que tu vivras peut-être. Laisse-toi prendre aux mots des chansons tendres, au violon de septembre, sur le lit d'une chambre. Laisse-toi prendre à des yeux couleur d'ambre, à des bras qui se tendent, oublie de te défendre. Laisse-toi prendre aux frissons interdits, aux balades sous la pluie. Sommeil passé au téléphone, au bonheur éphémère, à la douceur des larmes, au plaisir solitaire quand tu ne rends pas les armes, à tous ces souvenirs qui te cognent dans la tête, au matin d'avenir que tu vivras peut-être. Laisse-toi prendre aux mots des chansons tendres, au violon de septembre. Ton corps.